إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous commençons, inshallah ta'ala, la lecture dans le commentaire de l'imam Muhammad bin, de l'imam Abdel Aziz bin Baz rahimahullah, sur cet épître très bénéfique et très profitable de l'imam Muhammad bin Abdel Wahhab, qui s'intitule Thalathatul Usuli wa Adillatuha. Après l'introduction qu'on a vue hier, dans laquelle on a essayé de voir plusieurs points concernant cette risala avant de l'entamer. Et j'ai oublié de préciser que al-fawaid que j'ai cité hier, je les ai prises d'un livre qui a été lu et commenté par Cheikh l'allama Salih al-Fawzan, qui s'intitule Al-Madkhalu ila Thalathati al-Usul. Dans le début de cette risala, l'imam Abdel Aziz bin Baz, rahimahullah, avant de commencer son charh, il a fait une introduction dans laquelle il nous a présenté al-risala, ainsi que son auteur. Il a dit, rahimahullah, « هذه رسالة مهمة. هذه رسالة مهمة في العقيدة. ألفها الشيخ أبو عبد الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وأكرم مثواه. Il dit رحمه الله ceci est une risala importante qui concerne l'aqida, le dogme, la croyance qui a été écrite dont l'auteur est l'imam Cheikh Abu Abdillah, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab ibn Sulayman ibn Ali al-Tamimi de la tribu de Banu Tamim, Al-Hanbali, de par son madhab, son école de jurisprudence, l'imam très connu, très célèbre, revivificateur de ce qui a été oublié de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et qu'Allah le bénisse dans sa demeure éternelle. وقد كان رحمه الله يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة. Ensuite il a dit que l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab avait pour habitude d'enseigner cette risala aux étudiants, à ses élèves, également aux communs des musulmans. Il leur enseignait ses fondements afin de les apprendre, de les mémoriser, et afin que ça s'ancre dans leur cœur, car c'est une règle capitale. C'est une règle capitale et c'est une base capitale dans l'aqida. وقد كانت وفاته سنة 620 من الهجرة وكان مولده سنة 1510 من الهجرة فقد عمر 91 سنة وكان عمرا مليئا بالخير والدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك. Il dit que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab est décédé en l'an 1206 de l'Hégire, et sa naissance a eu lieu en l'an 1115 de l'Hégire. Il a vécu 91 ans. Il a vécu 91 ans et il a passé une vie remplie de biens et de prêches et d'appels à Allah et à la religion d'Allah Azzawajal. Il a passé toute sa vie dans l'enseignement et l'orientation des gens vers le bien et la patience dans cette voie. وقد أنقذ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة وانتشرت دعوته بعد ذلك في غير الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها بسبب الدعاة الذين حملوا عنه العلم وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول. Et donc, par son biais, Allah Azza wa Jal, et par sa cause, Allah Azza wa Jal a sauvé des gens et des contrées également. Il a sauvé des gens et des contrées de son époque, qui vivait dans la péninsule arabique. Et sa da'wa s'est propagée en dehors de la péninsule arabique, dans la Syrie Sham. Sham, ce n'est pas uniquement la Syrie d'aujourd'hui, c'est la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Palestine. Donc ça s'est propagé dans Sham et dans Misr, l'Égypte, l'Irak, l'Inde et autres, à cause des prêcheurs qui ont pris de lui la science et qui sont allés dans ces pays-là et ils ont propagé sa da'wa. وبسبب المكاتب والكتب التي انتشرت منه رحمه الله ومن أتباعه وأنصاره والدعاة التابعين له في الدعوة إلى الله. Également, sa da'wa s'est propagée à cause des nombreux ouvrages, des nombreux livres et écrits que Cheikh Rahimallah a fait, et également les écrits de ses adeptes et de ses suiveurs et de ses élèves qui ont appelé Allah et qui l'ont suivi dans sa da'wa. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, donc à chaque fois on va lire le passage qui a été lu sur Cheikh, et ensuite nous allons lire sans commentaire. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دي ساشك الله تفاس ميزيريكورد qui nous est que de notre devoir de connaître ces quatre points et d'apprendre ces quatre points. La première, c'est la science, qui est la connaissance d'Allah, de son prophète et de la religion de l'islam avec les arguments et avec les preuves. La deuxième, la mise en pratique. La troisième, le prêche, la da'wa. Et la quatrième, as-sabru ala al-adha fih, de patienter dans cette voie. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et la preuve sur ces quatre points réside dans sourate Al-Asr. Allah Azza wa Jalla nous dit, dans le sens rapproché des versets, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit: si Allah n'avait révélé que cette sourate comme argument contre ses créatures, elle aurait suffi. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah a dit dans son authentique, il a intitulé un chapitre, il a dit: chapitre le savoir précède la parole et l'acte. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. فَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Sache qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et implore l'absolution de tes péchés. Ensuite, il a dit, l'imam al-Bukhari, il a dit, Allah Azza wa Jalla a débuté par le savoir avant la parole et l'acte. Donc Allah Azza wa Jalla a commencé par le savoir avant la parole et l'acte. Dans le commentaire de l'imam Abdelaziz bin Baz rahimahullah, il a dit: هذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة الصغار والكبار. Ces quatre points doivent être appris par les croyants et les croyantes, les petits ainsi que les grands. La première, العلم. فعلى الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة ويعرف دين الله الذي خلق من أجله. وهذا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا هو أول شيء أن يتبصر العبد من هو ربه. Donc il dit rahimahullah, la première, c'est la science. Et que le serviteur doit apprendre et chercher à avoir une compréhension afin qu'il soit dans une clairvoyance. Et il doit connaître la religion d'Allah, pour laquelle Allah Azza wa Jalla l'a créée. Et la science, c'est quoi? Cette science qui est visée ici, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jalla, la connaissance de son prophète, alayhi salatu wassalam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Ça, c'est la première chose. C'est de chercher à ce que le serviteur doit apprendre qui est son Seigneur. Qui est son Seigneur. فَيَعْرِفَ أَنَّ رَبَّهُ الْخَالِقُ فَيَعْرِفَ أَنَّ رَبَّهُ الْخَالِقَ الَّذِي خَلَقَهُ وَرَزَقَهُ وَأَسْدَى إِلَيْهِ النِّعَمُ وَخَلَقَ مَنْ قَبْلَهُ وَيَخْلُقُ مَنْ بَعْدَهُ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Donc il doit savoir que son Seigneur, qui est le Créateur, qui l'a créé lui, et il lui a octroyé la subsistance, et il lui a accordé les bienfaits, et il a créé également ceux avant lui, et c'est lui qui va créer ceux qui viendront après lui. Qui est le Seigneur des mondes? وَأَنَّهُ الْإِلَهُ الْحَقِّ الْمَعْبُودُ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ سِوَاهُ أَبَدًا لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. Et il dit, rahimahullah, qu'il est le Seigneur des mondes, qui est l'unique divinité, qui est la divinité en toute vérité, qui mérite l'adoration. Et que personne en dehors de lui ne mérite l'adoration. Que ce soit un ange proche d'Allah Azza wa Jal, ou un prophète messager, ni un djinn, ni un humain, ni une statue, ni quoi que ce soit en dehors d'Allah. Au contraire, l'adoration, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est lui l'adoré en toute vérité, subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ الْمُسْتَحِقُ بِأَنْ يُعْبَدَ وهو رب العالمين وهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. فتعرف هذه المسألة الأولى وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة. قال الله وقال الرسول لا بالرأي ولا بقول فلان بل بالأدلة من الآيات والأحاديث وذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام به. Donc, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui mérite qu'il soit adoré. C'est le Seigneur des mondes. C'est ton Seigneur, ton Créateur, ta divinité. Ta divinité, la divinité de vérité. Et ta divinité en toute vérité, qu'il soit glorifié. Donc, tu dois connaître cette mas'ala, qui est la première mas'ala, le premier point, qui est de connaître ton Seigneur et ton prophète et ta religion avec les preuves. Allah a dit, le messager a dit, non pas avec la vie. Donc, connaître ta religion, c'est de la connaître avec les preuves. Et les preuves résident dans la parole d'Allah, la parole de son Seigneur, de son messager, non pas avec les avis ou les paroles des hommes, mais avec les arguments tirés des versets du livre d'Allah Azza wa Jal et des hadiths de son noble prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ça la religion de l'islam qu'on t'a ordonné, dans laquelle on t'a ordonné d'entrer, et qu'on t'a ordonné également, à laquelle on t'a ordonné de t'accrocher et de te cramponner. C'est cette religion de l'islam qu'il t'est demandé, dans laquelle il t'est demandé d'entrer et de s'y attacher, de s'y accrocher. Allah a dit, le messager alayhi salam salam a dit. C'est ça l'islam. Et ce sont ceux-là les arguments. Non pas les avis des hommes et les paroles des gens. وهو ثم قال رحمه الله وهو عبادة الله الذي قال فيها سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام هي وهي طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك محارمه. Donc c'est ça la religion de l'islam. La religion qu'il t'est demandé d'adopter et à laquelle il faut s'accrocher. C'est ça, yani c'est comme j'ai dit, c'est la parole d'Allah et les hadiths, la parole d'Allah, le Coran et les hadiths de son noble prophète alayhi salatu wassalam. Et cette adoration, yani l'adoration d'Allah, c'est l'islam. Elle a été décrite dans la parole d'Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sans le rappeler à chaque fois, les traductions que je donne pour les versets, c'est des traductions tirées de le Mus'haf édité par l'Arabie Saoudite, dans lequel ils ont essayé de traduire l'essence rapprochée des versets. Car comme vous le savez, le Coran, la parole d'Allah, on ne peut pas la traduire. Il n'existe pas une traduction du Coran. Le Coran existe uniquement dans la langue dans laquelle il a été révélé, la langue arabe. Mais ce qui peut être fait, comme l'a dit Cheikh Mohamed Moussal al-Uthaymi rahimahullah dans sa risala au sur le tafsir, il a dit que la traduction, je vous cite à peu près ce qu'il a dit de tête, la traduction littérale du Coran est interdite. En plus que ce soit impossible, elle est interdite. Mais ce qui est possible, c'est une traduction des sens. En plus, on ne va pas traduire tous les sens du verset. On va donner une traduction de un des sens du verset. Car si on veut donner la traduction de tous les sens qui ont été donnés à ce verset par les hommes de science, ça va faire un grand volume, un très grand volume. Par contre, ils ont essayé de choisir, ils se sont basés sur Tafsir Ibn Kathir, rahimahullah, et ils ont essayé de choisir l'avis le plus fort, ou le plus connu, dans le sens de ce verset. Et ils l'ont traduit. Je ferme cette parenthèse. Donc il a dit que l'adoration d'Allah Azza wa Jal, elle a été décrite dans ce verset. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. هذه هي العبادة التي خلق الناس لأجلها وأمر الله بها الناس في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وإسلام الوجه له وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. Donc c'est ça l'adoration pour laquelle Allah Azza wa Jal a créé les humains. C'est pour cette adoration qu'Allah Azza wa Jal a créé les hommes. Et c'est avec cette adoration qu'on doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'adoration qui nous a été ordonnée dans la parole d'Allah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Ô homme, adorez votre Seigneur. C'est cette adoration qui nous a été ordonnée. Et c'est quoi cette adoration? il a dit, rahimahullah, c'est-à-dire lui obéir, adorer Allah en lui obéissant, en obéissant à ses ordres et en délaissant ses interdits et en soumettant notre face à lui et en lui vouant un culte exclusif à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça l'adoration qui nous est demandée. ومن ذلك أن تعرف نبيك وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك فتؤمن بأنه رسول الله حقا وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والإنس وأن الواجب اتباعه والسير على منهاجه وسيأتي تفاصيل هذا في الأصل الثالث من هذه الرسالة من هذه الأصول الثلاثة. Également, parmi les points que ça fait de ton devoir de connaître, c'est la connaissance de ton prophète, عليه الصلاة والسلام, qui est Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, un descendant de Hashim. Un descendant de Hashim. Un Qurashi. Il est de Quraysh, la tribu de Quraysh. Un Qurashi al-Makki. Et qui est de la Mecque. C'est un Mecquois. Et ensuite, il s'est installé à Médine. Il fut Médinois par la suite. Au bout de combien d'années, entre parenthèses, au bout de combien d'années, on attribue quelqu'un à une contrée, ou à une ville, ou à un pays. La plupart des hommes de science, comme l'Iraqi dans l'Alfiya, ils disent au bout de 4 années de résidence, quand une personne réside dans, dans une ville ou dans un pays 4 ans et plus, on dit de lui qu'on lui, on lui donne l'appartenance à cette contrée ou à cette ville. Donc, le Madani, car ensuite il s'est installé à Médine. Donc, tu dois savoir que c'est ton prophète et que Allah Azza wa Jal te l'a envoyé avec la religion de vérité pour t'enseigner et te guider et t'orienter vers le haq. Tu dois croire en lui comme messager de vérité et que Allah Azza wa Jal l'a envoyé et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé au monde entier, y compris les djinns et les humains, et que le devoir de tous est de le suivre et de le suivre et d'emprunter sa voie, alayhi salatu wassalam, et d'emprunter son minhaj. Et ceci sera détaillé, il dit rahimallah, sera détaillé dans le troisième fondement parmi ces 3 fondements, c'est-à-dire le fondement concernant la connaissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Al-thaniya, al-amal bih, ay an ta'mal bihadha ad-dini من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى فتعمل بالإسلام لأنك مخلوق لهذا لأنك مخلوق لله مخلوق لعبادة الله. La deuxième, c'est-à-dire le deuxième point que nous devons connaître, c'est la mise en pratique de la science que nous apprenons, la mise en pratique de cette science qu'on a appris dans le premier, qu'on a appris et qui a été mentionné dans le premier point. Tu dois mettre en pratique ce que tu apprends de cette religion, que ce soit la salat, as-sawm, le jihad, al-hajj, la foi, la piété, al-taqwa, la crainte. Tu dois mettre en pratique ce que tu apprends de l'islam. Entre parenthèses, comme c'est devenu très sensible à chaque fois que ces termes sont évoqués, il n'y a pas de mal à rappeler que le jihad légiféré, c'est le jihad qui réunit ses conditions. Et le jihad légiféré, c'est pas ce qui se pratique actuellement dans les rangs de Daesh, ni de l'Qaïda, ni de tout le Khawarij. Ça, c'est pas le jihad qui est mentionné dans les livres des hommes de science, et avant cela, dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. C'est le jihad qui a réuni les conditions. Je ferme la parenthèse. Ensuite, il a dit, car t'es une créature d'Allah. T'as été créé pour adorer Allah. Comme on l'a vu. On a khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. C'est mentionné d'une manière explicite dans ce verset. Allah n'a créé les djinns et les humains que pour qu'ils l'adorent. Pour son adoration. L'adorer seul sans rien lui associer. Ensuite, il a dit, tu dois apprendre la religion d'Allah et la mettre en pratique. Ainsi, tu dois adorer Allah seul et accomplir la salat et acquitter la zakat et jeûner Ramadan et faire le pèlerinage et croire en Allah et ses anges et ses messagers et ses livres et croire au jour dernier et au destin convenable et inconvenable, tout venant de la part d'Allah. وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبر والديك وتصل الأرحام إلى غير ذلك فتعمل بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه وتترك المعاصي التي أنت منهي عنها وتفعل الواجبات التي أنت مأمور بها. Également, tu dois ordonner le convenable et interdire le blâmable. Et ordonner le convenable, ça doit se faire, comme vous le savez, avec science. Et pas avec ignorance, comme le font les tablirs, qui appellent les gens à sortir, soi-disant, dans la voie d'Allah. Avec ignorance. Chose qui les conduit à sortir de la voie d'Allah, Azza wa Jal, comme il l'a dit l'imam Taqiyuddin Hilali al-Maghribi. En réalité, ils sortent de la voie d'Allah Azza wa Jal en suivant ses pratiques et en suivant ses hizbis de tablir. Qu'Allah nous guide et les guide tous et les ramène à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah les ramène tous à la sunna de son noble prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit également, et de marquer de la bonté envers les parents, et d'entretenir les liens de famille, les liens de parenté, ainsi de suite. Tu dois mettre en pratique ce que Allah t'a ordonné, et délaisser ce que Allah t'a interdit. Tu dois délaisser les péchés, car Allah t'a ordonné de les délaisser. Et tu dois accomplir les obligations, car il t'a été ordonné de les faire et de les accomplir. Le troisième point, prêcher la science, prêcher et appeler les gens à cette science que tu as appris, que tu as mis en pratique. Cette science que tu as appris et ce savoir que tu as acquis, tu le mets en pratique. Et en troisième lieu, tu le mets en pratique, tu t'appelles les gens à ce bien que tu as appris avec les arguments. Tu le propages. قال رحمه الله أي أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام. Tu dois appeler à cette religion comme Allah عز وجل nous l'a montré et nous l'a expliqué. Car entre parenthèses, الدعوة, appeler les gens à la religion d'Allah, c'est la chose la plus noble, comme Allah Azza wa Jalla nous l'a dit dans le Coran. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Et qui est de meilleure parole que celui qui a appelé à Allah. Le sens du verset, personne n'est meilleur que celui qui appelle à Allah. Comment ça peut ne pas être la meilleure des choses, alors que c'est la fonction des prophètes et des messagers, l'élite de la des créatures d'Allah Azza wa Jal. Mais une chose aussi noble et aussi méritoire, ça se fait pas comme on veut, ça se fait pas avec ignorance, ça se fait avec science et clairvoyance. Ça se fait en se conformant en nous-mêmes déjà à la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam, dans notre personne, que ce soit dans les adorations, que ce soit dans le tawhid, avant cela dans l'aqidah, et ensuite dans les adorations, et également dans notre comportement, chose extrêmement importante. Car celui qui n'a pas le comportement, même s'il a le haqq, même si on sait que c'est un salafi, ça ne le fait pas sortir de la salafia et de la sunna. Mais ce genre de frères et de personnes vont faire fuir les gens ignorants de le haqq. Car les ignorants n'ont pas de balance et de mesure avec laquelle ils reconnaissent le haqq. Mais ils vont juger le haqq selon ton comportement, selon ta pratique. C'est pour ça la da'wa avec les actes touche beaucoup plus les gens que la da'wa avec les paroles. Il a dit, tu dois appeler à la religion d'Allah. Tu conseilles les gens qu'ils s'attachent à la religion d'Allah Azza wa Jal, et tu les orientes dans ce sens-là. Tu les orientes dans ce sens-là afin qu'ils s'accrochent et qu'ils s'attachent à la religion d'Allah Azza wa Jal et qu'ils suivent la droiture. Tu leur ordonnes le convenable, tu leur interdis le blâmable. C'est ça appeler à la religion de l'islam. C'est ça appeler à la religion de l'islam. Entre parenthèses, une anecdote, un frère qui est entré dans l'islam, ça devait être récente son entrée dans l'islam, avait demandé conseil à quelqu'un parmi les hommes de science sur comment faire da'wah à ses parents qui sont des mécréants. Vous savez ce que c'était la réponse? Il lui a dit, va demander la science et ensuite appelle tes parents à l'islam. Ne le fais pas sans demander la science, car tu vas faire des erreurs et des gaffes et peut-être tu vas casser leur cœur et créer une barrière entre toi et eux. que par la suite, même si tu agis d'une bonne manière, ça va rester cette barrière. À jamais. Et tu auras tout gâché. C'est pour ça, avant d'agir et avant de parler, la science. Ces choses-là, mes frères, je vous le dis à vous ainsi qu'à ma personne, ça ne doit pas rester que des notions que nous apprenons et que nous mémorisons. On doit transformer ça par des pratiques dans notre vie de tous les jours. Faut qu'on cesse. On acquitte la zakat et après on vient demander aux hommes de science, est-ce que comment j'ai fait c'est bon ou pas? Je fais tel acte, telle adoration, et après je viens pour me renseigner est-ce que c'était valide ou pas. Non, normalement on doit se renseigner d'abord, à l'ilm tout d'abord, et poser les questions aux hommes de science, et ensuite mettre en pratique. Car tant que tu n'as pas la science, tu n'es pas blâmable d'avoir délaissé cet acte d'adoration. Tu l'as délaissé parce que tu n'as pas encore la science de cet acte. Tu dois d'abord chercher à acquérir la science. Et si vous avez des questions à poser, j'en profite, posez-les aux hommes de science ou à des gens qui vont les poser à des hommes de science. Ne soyez pas la cause de la tentation de vos frères qui ont peut-être un niveau un petit peu supérieur au vôtre. Ne soyez pas la cause de la tentation et peut-être par la suite de l'égarement de vos frères. Si vous avez des questions, de manière générale, posez-les aux hommes de science ou à des frères qui vont les poser aux hommes de science pour vous donner la réponse. Et les frères qui font des efforts avec leurs frères et qui les aident à apprendre leur religion, faut qu'ils gardent à l'esprit tout le temps la crainte d'Allah Azza wa Jal. Il faut faire attention aux ruses de Shaitan. C'est pas parce que tu as posé la question une première fois que la deuxième fois tu réponds toi-même. Et surtout les questions qui concernent le divorce et le mariage et les choses comme ça graves. Que alhamdoulillah, depuis qu'on a commencé à s'asseoir avec les hommes de science, on voit des grands savants ne pas répondre à ces questions-là. Et malheureusement, ça arrive à nos oreilles que des frères, qu'Allah nous guide et les guide, répondent à des questions comme ça. Soi-disant parce qu'il a des frères qui assistent à son cours, qui sont nombreux et qui posent des questions, et que cette question il l'a déjà posée, après il devient un mufti dans le divorce. Qu'Allah nous en préserve. Par Allah, personne n'est à l'abri. Mais aidons-nous les uns les autres afin qu'on reste dans le siqama et afin que chacun reste à sa place. Afin que chacun reste à sa place. Et qu'il ne dépasse pas le niveau dans lequel Allah Azza wa Jalla l'a placé. Moi, ça m'attriste et ça me chagrine d'entendre que des frères qui font des efforts appellent ceux qui les suivent dans les cours, les appellent leurs élèves. Ya akhi, si tu crois que tu as des élèves, c'est le début de la déviation et de l'orgueil. Et de ne plus accepter les conseils. Car la personne, elle croit qu'elle est arrivée à un niveau. Alors que peut-être, elle a même pas cumulé 3 ans d'apprentissage avec les hommes de science. Ou peut-être des fois encore moins. Bref, pour fermer cette parenthèse, celui à qui Allah Azza wa Jal a donné un petit bagage et qu'il est dans un endroit et qui se conforme à la voie de Salaf, et qui connaît le manhaj Salafi, et qui connaît Tawhid, et qui est dans un endroit où il n'y a personne pour enseigner aux gens les bases de l'islam, si jamais il le fait, qu'Allah le récompense, mais qui reste à sa place, et qui ne commence pas à rentrer dans les questions-réponses, ou à répondre aux questions des frères et des sœurs, mais s'il veut compléter son khair, qu'il soit l'intermédiaire entre eux et les hommes de science, comme nous a conseillé Cheikh Ubay, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah le préserve. S'il peut jouer ce rôle, car il y a des frères qui n'ont pas encore l'arabe, et ça ne doit pas durer des années qu'on n'ait pas l'arabe. Quelqu'un qui est entré dans l'islam il y a 2 ans, 3 ans, il n'a pas encore l'arabe, c'est qu'il est dans une grande négligence. C'est pour ça que Nawawi rahimahullah, il a dit que quand une contrée est conquise par les musulmans, par les muslimines, l'imam leur fait le khutbah dans leur langue pendant 2 ans, et ensuite il le fait en arabe. Car 2 ans, c'est une durée suffisante pour apprendre l'arabe, et pour pouvoir comprendre, et arriver à un niveau suffisant pour la compréhension et le suivi des cours des hommes de science. Et on ne cessera de se perfectionner dans l'apprentissage de l'arabe. Donc le troisième, c'est Ad-Da'wa. Et le quatrième, il a dit, rahimahullah, Ar-Rabi'atu, As-Sabru ala al-Adha fih. La quatrième, c'est de patienter et d'endurer face aux préjudices qui peuvent en résulter. أي أن يصبر على الأذى في هذه الأشياء، c'est-à-dire qu'il patiente face aux préjudices qui résultent de ces choses-là. Ces choses-là, يعني la science, la demande de science, sa mise en pratique et sa propagation. Ces trois choses-là nécessitent sabr. فقد يحصل للإنسان أذى قد يتعب من المدعو أو غيره من أهله أو غيرهم فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله. Donc ainsi, il peut arriver au da'iya, à celui qui appelle les gens à la religion d'Allah Azza wa Jal, ça peut lui arriver une fatigue de celui qui l'appelle, ou d'autres parmi les membres de sa famille, ou autres également. Ça peut leur arriver de leur part de subir des préjudices et de subir du mal. Son devoir, c'est de patienter et de faire preuve d'endurance tout en recherchant la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله ويصبر على العمل بما أوجب الله ويصبر على العمل بما أوجب الله وترك ما حرم الله عليه ويصبر في الدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ainsi, المؤمن il fait preuve d'endurance. المؤمن il fait preuve d'endurance Ainsi, al-mu'min, il fait preuve d'endurance dans sa foi en Allah Azza wa Jal. Et il fait preuve d'endurance également dans la mise en pratique de ce que Allah Azza wa Jal lui a prescrit. Il fait preuve d'endurance également dans le délaissement de ce que Allah Azza wa Jal lui a interdit. Et il fait preuve de patience également dans la propagation de la propagation et l'appel des gens à la religion d'Allah Azza wa Jal. Il patiente également dans l'enseignement et il patiente quand il ordonne le convenable, il interdit le blâmable. Donc tout ça, il faut qu'il patiente. Sinon, il arrête, il délaisse. Ce qui va lui permettre de persévérer, c'est la patience après l'assistance et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا بُدَّ مِنَ الصَّبْرِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ كُلِّهَا فَالدِّينُ كُلُّهُ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ صَبْرٍ عَلَى دَعْوَةِ صَبْرٍ عَلَى دَعْوَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَصَبْرٍ عَلَى أَنْ تُصَلِّي وَتُزَكِّي وَتَصُومَ وَتَحُجْ وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. Donc le mu'min, faut qu'il fasse preuve de patience et d'endurance dans toutes ces choses, car toute la religion nécessite la patience. La patience afin d'adorer Allah seul, la patience afin de prier et d'acquitter zakat, et de jeûner, et de faire le hajj, et d'ordonner le convenable, et d'interdire le blâmable. Patience, afin de délaisser les péchés, et délaisser les interdits. Tu t'en éloignes, et tu dois être en garde contre tomber dedans, et de s'y approcher. فَالْإِنسَانُ إِذَا لَمْ يَصْبِرْ وَقَعَ فِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أو ترك ما أوجب الله عليه. ولهذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. Donc l'homme, s'il patiente pas, il va tomber, il risque de tomber, ou il va tomber dans ce que Allah lui interdit. Il va délaisser ce que Allah lui a prescrit. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il a dit à son messager alayhi salatu wassalam, endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Les messagers, entre parenthèses, les messagers doués de fermeté, c'est les 5 meilleurs messagers. À savoir Ibrahim, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa wa Isa alayhi salam, wa Nabiyuna Muhammad alayhi salatu wa salam. Et les 2 meilleurs parmi eux, ce sont Ibrahim et Muhammad. Et le meilleur de tous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa ala jami'i al-anbiya'i wal-mursaleen. Allah Azza wa Jalla dit également إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Certes, les endurants seront récompensés sans compter. Et Allah Azza wa Jalla dit également وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et endurer, car Allah Azza wa Jal est avec les endurants. C'est-à-dire, اصبروا على طاعة الله وترك معصيته واحذروا مخالفة أمره وارتكاب نهيه. C'est-à-dire, patienter jusqu'à accomplir l'adoration d'Allah et délaisser sa désobéissance et soyez en garde contre désobéir à son ordre et transgresser son interdit. والدليل على هذه المسائل الأربع قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. J'ai sauté quelques versets. قوله تعالى فاصبر قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا sa parole واصبر وما صبرك إلا بالله. Donc les versets que j'ai sauté, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Endure, car ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité, tu es sous nos yeux. Tu es sous nos yeux. La preuve sur ces quatre points réside dans Surat Al-Asr. Dans Surat Al-Asr. Ensuite, Cheikh a dit, ففي هذه السورة العظيمة الحجة لهذه الأمور وهو الدين كله فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. Dans cette sourate, sourate al-Asr, immense dans ses sens, il y a la preuve sur tous ces points, à savoir les quatre qui ont été cités. Et ça, c'est toute la religion. Car la religion, toute la religion, c'est quoi? C'est iman, amal, da'wa, wa sabr. Toute la religion, c'est dans ces quatre points. À savoir, la foi, la mise en pratique, la propagation et la patience. Donc, toute la religion, c'est dans ces quatre points. إيمان بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه. Donc, croire en la vérité, avoir la foi en la vérité. Avoir la foi en la vérité, la mettre en pratique, la propager et endurer face aux préjudices qui peuvent en résulter. C'est ça toute la religion. والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et toute l'humanité est en perdition, sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres et qui se recommandent mutuellement la vérité et qui se recommandent mutuellement la patience. أي الذين استثناهم الله فجميع بني آدم في خسران وعلى طريق الهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc, tous les humains, toute l'humanité sont en perdition, sauf ceux dont Allah Azza wa Jalla a fait exception. Tous les fils d'Adam sont en perdition et sont dans la voie de la perdition et de l'égarement, sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres et qui se sont recommander mutuellement la vérité et la patience. Ce sont ceux-là les gagnants. Ce sont ceux-là les bienheureux. Et Allah Azza wa Jal, قد أقسم على هذا بقوله والعصر. Et Allah Azza wa Jal a juré sur cette affaire, à savoir que tous les fils d'Adam sont en perdition et sont voués à l'échec et à la perdition, excepté ceux qui ont réuni ces quatre caractéristiques. Il a juré par l'Asr. Allah Azza wa Jal, il est le véridique. Quand bien même il ne jure pas. Mais il a juré ici afin d'affirmer et d'appuyer ce point qui est cité ici. Ensuite, Cheikh a dit qu'Allah Azza wa Jal, il est en droit de jurer par ce qu'il veut parmi ses créatures. Personne ne doit s'y opposer. Allah a juré par le ciel, a juré par les étoiles, a juré par Doha, a juré par le soleil, par Shams, a juré par la nuit, et ainsi de suite. A juré par les anges qui arrachent les âmes. Allah il jure par ses créatures, car les créatures montrent la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Ces créatures montre la grandeur du Créateur et sa majesté, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul et l'unique à mériter l'adoration. Il jure par ses créatures également pour nous montrer son statut et sa valeur auprès de lui. Et que, en plus, il jure par ses créatures car ce sont des preuves et des arguments sur son unicité et qu'il est le seul à mériter l'adoration. Par contre, la créature, elle n'est en droit de jurer que par son Seigneur, par Allah Azza wa Jal. Il ne doit pas jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas autorisé de jurer par les prophètes, ni par les idoles, ni par les statues, ni par les vertueux, ni par le dépôt en garantie, ni par le Kaaba, ni par aucune chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le devoir du musulman. Car le Nabi alayhi salam nous a dit, celui qui a juré par autre chose que Allah, il est tombé dans le shirk. Cheikh a dit que ça a été rapporté par l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique. Et le prophète عليه السلام a dit également, من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le devoir du muslim et de la muslima, c'est d'être en garde contre jurer par autre qu'Allah. Et que tout leur serment et tout leur jurement doit être par Allah subhanahu wa ta'ala seul. L'imam Shafi'i rahimahullah dit, يقول الإمام الشافعي رحمه الله وهو الإمام المشهور أحد العلماء الكبار وأحد الأئمة الأربعة وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي المولود سنة 50 و100 توفي سنة 400 هجرية. Donc l'imam Shafi'i, c'est l'imam très célèbre, très connu. Qui est un des plus grands savants, un des quatre imams, les quatre imams suivis. Et qui est né en l'an 105 de l'Hégire et qui est décédé, rahimahullah, en l'an 204 de l'Hégire. Il dit, rahimahullah, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. Si Allah n'avait révélé comme preuve contre ses créatures que cette sourate, elle aurait été suffisante. Elle aurait été suffisante. Dans une autre version, il a dit لو فكر الناس في هذه الصورة لكفتهم. Si les gens ont médité cette sourate, elle aurait été suffisante pour eux. C'est-à-dire, il dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, لو نظروا فيها وتأملوا لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم. S'ils avaient médité cette sourate, elle aurait été suffisante pour il dit, elle aurait été suffisante pour faire la preuve contre eux et pour qu'ils suivent la vérité et pour qu'ils accomplissent ce qu'Allah Azzawajal leur a rendu obligatoire et délaisser ce qu'Allah leur a interdit. Car Allah Azzawajal a montré dans cette sourate que ceux qui ont cru et qui ont fait les œuvres pieuses et qui se sont recommandés mutuellement la vérité et la patience sont ceux qui ont récolté le succès, sont ceux qui réussissent, et tous ceux en dehors d'eux sont des perdants. وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع: إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح وتواص بالحق وتواص بالصبر. Et ceci est une preuve complète et suffisante sur le devoir de se recommander mutuellement et de se conseiller et de croire et de patienter et d'être véridique et qu'il n'y a pas autre voie pour le bonheur et la réussite qu'en ayant ces quatre caractéristiques. Qu'en ayant ces quatre caractéristiques. Une foi sincère et véridique en Allah et en son messager, des œuvres pieuses, se recommander mutuellement la vérité et se recommander mutuellement la patience. وقال البخاري رحمه الله هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري من بخارى في الشرق الأقصى. ولد سنة 94 في آخر القرن الثاني ومات سنة 56 من الهجرة في وسط القرن الثالث. كان عمره 62 سنة عند وفاته. وهو صاحب الصحيح وله مؤلفات أخرى عظيمة نافعة رحمه الله. Donc l'imam al-Bukhari, la dernière parole que nous allons voir dans cette séance que je devais arrêter il y a 10 minutes. L'imam al-Bukhari dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, c'est l'imam, c'est Abu Abdillah. Sa kunya c'est Abu Abdillah. Son nom c'est Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Bukhari, qui vient de Bukhara, qui est né en l'an 194 de l'Hégire, dans la fin du deuxième siècle, et qui est décédé en l'an 256 de l'Hégire, dans la moitié du troisième siècle. Il est décédé à un âge de 62 ans. Et c'est lui qui a fait l'authentique. Quand on dit l'authentique, ça ne va que vers l'authentique de Bukhari, rahimahullah, car c'est le premier de son genre. Et il a d'autres ouvrages bénéfiques et profitables. Il dit dans son authentique, باب العلم قبل القول والعمل. Il dit dans son authentique, il a dit ça dans son authentique dans le livre de la science, Kitab al-Ilm, et qui est le troisième livre dans l'authentique. Dans le dixième chapitre de ce livre, le livre de la science, de l'authentique de Bukhari, il l'a intitulé chapitre la science précède la parole et l'acte. Et il a cité l'argument dans la parole d'Allah Azzawajal. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Sache qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et implore l'absolution de tes péchés. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوِي وَالْعَمَلِ. Et ainsi, Allah Azzawajal a commencé par la science avant la parole et l'acte. فالإنسان عليه أن يتعلم أولا ثم يعمل فيتعلم دينه ويعمل على بصيرة والله أعلم. Donc le devoir, notre devoir, c'est d'apprendre tout d'abord et ensuite mettre en pratique, mettre en application, apprendre notre religion et œuvrer avec science et clairvoyance. والله أعلم. Ici se termine cette première partie et nous reprenons demain, inshallah, à la même heure. Je demande à Allah Azzawajal de faire que ce que nous avons lu nous soit profitable et bénéfique à nous tous, qu'il nous accorde la science bénéfique et profitable, et qu'il nous facilite les œuvres pieuses et acceptables, et qu'il nous agrée parmi ses serviteurs, qu'il a agréé, et qu'il prenne nos âmes dans la sunna de son noble prophète et sur son tawhid pur et purifié de toute forme de shirk. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.